Après avoir sonné, le capitaine bourgeois fit de grands efforts pour remettre en place son habit, qui s'était autant retroussé par derrière que par devant, poussé par l'action d'un ventre piriforme. Admis aussitôt qu'un domestique en livrée l'eût aperçu, cet homme important et imposant suivit le domestique, qui dit en ouvrant la porte du salon « Monsieur Crevel !» En entendant ce nom, admirablement approprié à la tournure de celui qui le portait, une grande femme blonde, très bien conservée, parut avoir reçu comme une commotion électrique et se leva. « Hortense, mon ange, va dans le jardin avec ta cousine bête » dit-elle vivement à sa fille qui brodait à quelques pas d'elle. Après avoir gracieusement salué le capitaine, mademoiselle Hortense Hulot sortit par une porte-fenêtre en emmenant avec elle une vieille fille sèche qui paraissait plus âgée que la baronne, quoiqu'elle eût 5 ans de moins. « Il s'agit de ton mariage !» dit la cousine bête à l'oreille de sa petite cousine Hortense, sans paraître offensée de la façon dont la baronne s'y prenait pour les renvoyer, en la comptant pour presque rien. La mise de cette cousine eut au besoin expliquer ce sans-gêne. Cette vieille fille portait une robe de mérinos, couleur raisin de Corinthe, dont la coupe et les liserés dataient de la Restauration, une collerette brodée qui pouvait valoir 3 francs, un chapeau de paille cousu à coque de satin bleu brodée de paille comme on en voit aux revendeuses de la halle. À l'aspect de souliers en peau de chèvre dont la façon annonçait un cordonnier du dernier ordre, un étranger aurait hésité à saluer la cousine bête comme une parente de la maison, car elle ressemblait tout à fait à une couturière en journée. Néanmoins, la vieille fille ne sortit pas sans faire un petit salut affectueux à Monsieur Crevel, auquel ce personnage répondit par un signe d'intelligence. « Vous viendrez demain, n'est-ce pas, mademoiselle Fischer ? » dit-il. « Vous n'avez pas de monde ? » demanda la cousine bête. « Mes enfants et vous, voilà tout !» répliqua le visiteur. « Bien, répondit-elle, comptez alors sur moi. »